1, 2. J'ai vu après un orage, un matin courir dans les pâturages, un lutin comme sorti d'un autre âge, très lointain, mais n'était-ce qu'un mirage. J'en sais rien. Personnage qui de loin j'ai pas bien vu son visage, mais je crois bien qu'il avait un certain âge, c'est certain, mais n'était-ce qu'un mirage. En tenue de camouflage, le coquin, un chapeau fait de feuillage et de grains, deux ou trois bouts de branchage dans ses mains, mais n'était-ce qu'un mirage. J'en sais rien. Avec son petit air sauvage et mutin, je voulais parler au sage, mais j'ai craint qu'il ne se sauve le volage. Et puis rien, mais n'était-ce qu'un mirage. Notre esprit voyage très très loin, on voit même dans les nuages des dessins. Ai-je bien vu dans le paysage un lutin, mais n'était-ce qu'un mirage. J'en sais.